Yo G. She really like it behind me. Purchase your tracks today. Je suis venu récupérer mon dû. Couille, grosse comme le monde. Personne n'assume quand c'est tendu. Contre le bénéfice et les secondes. Je coupe le maroc de la blonde. Tire de trois barres et tu tombes. Glock en dessous du bombe. Calibré quand on bouge en boîte. La monnaie, la monnaie, la monnaie m'emmènera dans les plus beaux endroits. J'ai trop traîné en bas, dans les coins que tu ne fréquentes pas. Ta mère me voyait avocat. J'en ai eu besoin mais je ne suis pas devenu. Au comico ferme la boca. Où y aura ton corps en morceaux dans le menu. J'ai galéré, galéré. Sans bléguer, je suis malheureux. Demande à salerie. La pauvreté c'est dur à tolérer. Nique les CR et les saisies. Meilleur buteur de la saison. Au checker comme à la maison. Je suis dans le hall avec Biggie des Mesro. Ce soir je dors à l'hôtel. Zéro chinoiserie, ma pétasse parle français. De l'essence dans le cocktail. Il n'y a que le fusil et Dieu qui me protège. Mais t'es à fond dedans, je crois que tu vas percer. Depuis 18, je suis monté à 20%. Depuis 18, je suis monté à 20%. Toi, fils de pute, m'appelle Apple le sang. C'est pas un freestyle, ma gueule, c'est une inflation. J'suis dans le teusmar avec l'assaut. Sur le parking avec l'oiseau. Faire la moula, c'est le seul loisir. L'enchaîne le bif sale dans les jeux de hasard. Crapule comme GLK de Bobigny. Si t'as pour quitter ta famille qu'on va bannir. J'suis dans le télo 4 étoiles, calibré sous le peignoir, on sait comment ça va finir. Et elle a vu des millions, elle croit que c'est des euros alors que c'est des vues. Le succès rend mignon apparemment. J'ai même plus besoin de parler pour qu'elle se mette à ses yeux. Et maintenant c'est sûr, je ne parlerai plus jamais avec ses suceurs. Du aveugle et sourd. Si tu veux gratter ton fils, t'appelles manager. Avec Brahms et Biggie vers la banane. Et on peut te la placer anal. Anal, tellement anal qu'elle sortira par la cloison nasale. Et t'as mal, j'ai que t'as mal, hein t'as mal, car t'es nul. Je lui mets le feu, elle s'immole. Tu crois que t'es bon mais elle simule. Dans ma tête on est douze, ils étaient pas au courant maintenant.